C'était du bon, c'était du lourd, c'était Capuch, c'était la hyène. En gros, c'était 400 yens. L'album, c'était Ghetto Prodige. Eh, je te l'avais dit, c'était un putain d'univers bien sombre. T'inquiète, leur prochain album, Péril Jeune, ça arrive très très bientôt dans les bacs à surveiller de très près.